n'avait pas la tête assez dure pour faire éclater du béton. Alors j'ai toujours vu un mur pour me boucher l'horizon. Un mur entre le ciel et moi, un mur entre l'amour et moi. Du mauvais côté du soleil, je crois que j'ai toujours eu froid. J'ai vécu comme ces animaux qui naissent en captivité. Un numéro dans un troupeau, incapable de m'évader. Il fallait pas me croire un chêne alors que je n'étais qu'un gland. Prenant ma peur pour de la haine, ils m'ont brisé comme un enfant. J'avais pas la tête assez dure, j'avais pas les membres assez grands. J'étais un perdant par nature, un litre d'eau dans l'océan. Il fallait pas me croire un homme alors que je n'étais qu'un chien. Arrière petit fils de personne, je n'enfanterai jamais rien. J'avais pas la tête assez dure pour faire éclater du béton. J'avais pas le cœur assez pur pour être sûr d'avoir raison. J'ai perdu mon temps et ma force dans un combat démesuré. Un combat cruel et féroce depuis le jour où je suis né. J'avais pas la tête assez dure pour faire éclater du béton. Alors j'ai toujours vu un mur pour me boucher l'horizon.